Bien? Ouais, quoi? Tranquille? Tu fais quoi? Eh mais mec, c'est pas quel jour on est? Bah non. Samedi soir, ça se prépare, ça part la chasse. Comptabiliser le numéro de miss, réalise l'ampleur de la liste. Pas de panique, ce soir c'est chic. Faut choisir une classe, avec ma team, table réservée au bypass. Le parking, je kiffe, c'est le troisième niveau. Y'a la place de mettre un merco. Plan le videur, ça passe. Une tape sur la main et je passe. Bah ouais, faut pas déconner, à peine installé. Comme demande combien de magnum, je désire commander. La température ambiante et brûlante. Petite exhibition par la piste de danse, ok. Tout le monde me squatte, impatient de me saluer. Sans passant que je l'ai repéré. Comment pouvais-je la louper? La tête au pied, elle est à tomber. Son nom, je l'ai pas calculé. Ces mensurations sont enregistrées, ça là je suis pas prêt de les oublier, non non. Pala pala, ma belle miss, bouge-toi comme une belle métisse, luisante comme la métisse. Cette fille-là me poussera à faire toutes sortes de bêtises. Une heure plus tard, l'occasion est l'autobar, il faut prendre la décision, attirer son attention, payer sa consommation, pas sympathie, lui faire la conversation, par courtoisie, trouver ses ambitions, moi j'ai trouvé la mienne, c'est elle et elle me donne des frissons, elle me dit viens, ça, c'est ma chanson, rien qu'à la voir bouger, elle te ferait bander, même sur le répertoire d'Alain Delon, elle est sans aucune interdiction, tout dans la manipulation, la bonne élocution, elle te fait l'effet de gravité, l'attraction terrestre est dépassée, ce que tu as au sol, ma boussole dégringole, mon pouls décolle, quand elle bouge, c'est toute la boîte qui s'affole, les gens deviennent ouf, on se croirait au casting d'Amérique. Un idol, je laisse pas le temps qu'elle a queue. Je lui dis viens, on va dehors, on sera que tous les deux. Bala bala, ma belle miss, bouge-toi comme une belle métisse, luisante comme la métisse. Cette fille-là me poussera à faire toutes sortes de bêtises. Enfin, 5h du matin, on bouge, on est tous les deux, tout va bien, on se touche, tout en desserrant mon frein à main, les vieux se drive, on peut y aller, mon plan drague est OP, avant que je voie, ce gars débarque et m'insulte MT. J'ai défoncé, fils de pute, mais va dessouler ailleurs. Mais c'est ma gourde dans l'as depuis tout à l'heure. Ok, j'ai compris pourquoi elle est aussi pressée, si on allait d'ici, mais je vais pas me laisser marcher dessus. Ça monte sans fini en baston, normal, c'est la rue. Deux inconnus en fight pour une meuf avant l'arrivée des sirènes des keufs. C'est cher payé, union garde à vous. Tout ça prend un rendez-vous, des histoires en devenir. Bala, bala, ma belle miss, bouge-toi. Comme une belle métisse, luisante comme la métisse. Cette fille-là me poussera à faire toutes sortes de bêtises. De bêtises.